Effectuer un retour aux études ou poursuivre ses études, toutes les raisons sont bonnes. On vous offre un horaire à temps complet ou partiel, des cours de formation générale de jour et en soirée et la possibilité de débuter en tout temps. Contactez vos centres d'éducation des adultes à Saint-Félicien-Robertval, Dolbeau-Mistassini et Normandin. On va parler de football collégial. On sait que cette semaine, c'est le coup d'envoi qui va revenir en fin de semaine. Donc cette semaine, on va essayer de faire la tournée de nos trois équipes régionales. Là, on va commencer avec les Gaillards de Jonquière. Demain, on devrait parler avec Nick Manachi et jeudi, l'équipe du Collège d'Annemac. Quoi qu'il en soit, on va parler avec l'instructeur-chef François Laberge des Gaillards de Jonquière. Salut François! Salut Danny. François, vous avez été les gagnants du Bol d'Or cette année, l'année passée, c'est-à-dire là on efface tout ça, on recommence cette année. À quoi va ressembler l'équipe? Une équipe beaucoup plus jeune, avec 26 premières années sur 49 joueurs, mais on a beaucoup de talent. On a des gars, on a deux transferts de la Division 1, puis sinon on a beaucoup de talent sur l'équipe. On a des jeunes... avec un bon bagage de football. On a des jeunes Français aussi qui arrivent avec l'équipe cette année. Donc, on a une équipe plus jeune, mais avec énormément de talent. Donc, ça augure bien pour les prochaines années pour les Gaillards. Ton recrutement, est-ce que ça a été facile de recruter cette année, parce que étant donné que vous avez gagné? Ça a bien fait. C'est sûr que ça aide toujours, mais c'est un bien pour un mal pour un bien, parce que des fois, les gars, ils ont peur un peu... que ce soit plus difficile d'aller chercher du terrain, étant donné qu'on a une équipe championne, puis que donc ça en général ça aide. Pour certains joueurs, ça peut peut-être freiner à cause de la peur de pas avoir de temps de jeu là. Mais ça a vraiment bien été. C'est une belle carte de visite, disons. On peut pas dire autrement. OK. Cette année, tu me corrigeras si je me trompe, si vous gagnez cette année, mettons vous gagnez, vous passez en D2, hein? C'est ça? Non, ben ça, ça va avec les demandes. Il faut que le collège demande de monter en division 2. Puis la motion d'évolution se fait seulement... Il y a personne qui peut monter encore après la saison qui s'en vient. Il va y avoir motion d'émotion en 2018, après la saison 2018. Comment tu vois ça? Est-ce que c'est une possibilité pour le cégep de Jonquière? C'est sûr que quelque part, ça pourrait être très attirant. Par contre, vous avez une rivalité avec Alma puis Jonquière. Alors, je pense au niveau business, Alma puis Chicoutimi, au niveau business, ça ne doit pas être mauvais non plus d'avoir trois équipes de la région. Ça crée des rivalités, ça amène du monde. Non, c'est ça. Ça, c'est une chose qu'on aime aussi beaucoup. Je te dirais qu'à trois équipes au Saguenay-Lac-Saint-Jean, c'est extrêmement difficile de monter en division 2. Nous, on y a été les Gaillards après les deux bols d'or. Ça a vraiment pas été un succès. On n'a jamais gagné de match. Dans ces années-là, je ne sais pas si aujourd'hui les jeunes, ça a changé, mais les joueurs de Chicoutimi restaient à Chicoutimi, les joueurs d'Alma restaient à Alma. Donc, ça nous a pas attiré plus de joueurs parce qu'on était en division 2. Okay. Puis ça l'a affecté. Moi, je reste un peu amer de tout ça. Avant tout, il faut dominer la division 3, ce qu'on n'a pas fait encore. T'sais, l'an passé, oui, on a tout gagné nos matchs, mais on a eu plusieurs matchs très serrés. Donc, avant tout, il faut dominer la division 2. Il faut regarder si... parce que dans les critères de motion d'évolution, pour demander à monter, il faut... le comité du RSEQ va valider le bassin de recrutement. Et selon moi, aucune des équipes du Saguenay-Lac-Saint-Jean peut monter parce qu'à trois équipes, pour 5-6 équipes juvéniles, la RSEQ va toujours refuser. Ce serait quoi l'avantage? Après ça, on va parler des forces, des faiblesses. L'avantage de passer en D2 serait quoi? C'est du recrutement. Mais par contre, le jeune, je pense entre autres, parce que je le connais très bien, là, Philippe Lavoie, qui pense déjà qu'il est étiqueté Ligue canadienne de football. Lui, là, qu'il soit en D2 ou en D3, il va se faire regarder par les équipes universitaires. Hein. Ouais, ben c'est ça. Ça, maintenant, ça n'a plus vraiment d'avantage. C'est sûr que, bon, quand tu joues à Québec, là, t'es dans le cours du Rouge et Or. Le Rouge et Or a plus de facilité à aller te voir. Ouais. Mais les charges de travail sont tellement grandes pour les entraîneurs universitaires que maintenant, pendant la saison, eux se concentrent à 100% sur leur équipe. Puis ils font vraiment le visionnement par la vidéo. Donc, des division 1, division 2, division 3, si t'es tombé dans leur mire au pré-camp, parce que eux se déplacent au camp de printemps, ils viennent voir les gars sur le terrain, ouais. Si quand ils sont venus, ils ont aimé ce qu'ils ont vu, ben ils vont simplement me demander de la vidéo du joueur, puis ils vont regarder la vidéo, puis c'est avec ça qu'ils vont continuer leur recrutement là, avant de revenir le voir au camp de printemps l'année suivante. Et c'est souvent aussi, parce que l'école est tellement importante, que le joueur va choisir si le programme est disponible au cégep. C'est beaucoup plus ça. Exactement. C'est beaucoup, beaucoup, puis, beaucoup. C'est le même principe pour l'université. Il faut que l'université, comme on a une université comme Bishop, qui aime beaucoup c'est la plupart de nos joueurs, qui recrutent agressifs ici, mais ils n'ont pas beaucoup de programmes scolaires. Donc, souvent, le jeune, quand il arrive au bout de du compte puis prendre sa décision finale, ben l'école devient la partie importante aussi parce qu'il faut que ça va être son emploi plus tard. Donc, il n'y a pas le choix d'aller dans un programme qui l'intéresse. Effectivement. La force de l'équipe. Défensive, attaque... À la profondeur. Profondeur, OK. Ben, je pense qu'on a une bonne attaque. L'attaque, on a des jeunes receveurs. Donc, ça va être à eux d'essayer de prendre le beat puis de remplacer notre unité de receveur l'an passé qui était une force. On a un carrière de troisième année, Anthony Ouellette, qui a été le carrière de la division 3. Lui, je pense qu'il va être excellent cette année. Va bien leader l'attaque et parfaitement leader et rendu à son apogée, si on veut. Donc, ça devrait bien aller. On a une jeune ligne à l'attaque, mais on a beaucoup de talent puis on a des gros bonhommes. Fait que ça devrait bien aller aussi. On est un peu en avance par rapport à la même date l'année passée. Puis on a un bon comité de porteurs de ballon. Il faut remplacer Louis-Philippe Grégoire qui est maintenant avec les Gators de Bishop, qui était le meilleur porteur de ballon de la division 3 du Québec au complet l'an passé. Mais on a recruté trois excellents jeunes, dont Jordan Fortin de Dolbeau. Puis les gars se battent très fort, les trois, ils se poussent ensemble. Ils ont une super belle communication. Fait que nous, on pense pas remplacer Louis-Philippe avec un seul joueur. C'est vraiment un comité de trois porteurs de ballon sont excellents pour des jeunes de 17 ans qui vont remplacer Louis-Philippe. OK. Maintenant, si on y allait, ça va être une division très, très forte. Les 12 Français, Dave Ancelin en a parlé ce matin, 12 Français dans l'équipe. Une équipe de football, ça compte 40 joueurs. Donc, vous avez quasiment 30-35% de votre équipe, c'est des Français. C'est-tu trop? Oui, François, on se compte pas d'histoire. Là. Vous avez fait ça beaucoup aussi parce que c'est payant pour le cégep. Là. Ben, c'est payant pour le football aussi, parce que moi, j'ai quatre gars qui étaient sur l'équipe nationale de France MU19. C'est pas des touristes, là. Tous les gars savent jouer au football. Les gars, moi, j'ai aucun gars qui est là pour un an. C'est tout du 2 puis 3 ans. Je te dirais que sur les 9, j'en ai 2 qui sont là 2 ans. J'en ai 7 qui sont là 3 ans. Fait que c'est des gars qu'on va développer, qui vont devenir des gaillards, qu'on va travailler avec eux. Si je les enlève de mon équipe, parce que j'en ai 9, là, j'en ai pas 12, parce que ça comptait les joueurs de basketball là-dedans. On a été chercher 3 joueurs de basket aussi là-dedans. Si j'enlève mes 9, je tombe à 40 joueurs. L'an passé, on était 40 joueurs. Puis le but d'aller en France, c'était vraiment, tu sais, quand on est arrivé au bol d'or, les équipes de division 1 sont 60, les équipes de division 2 étaient 55, puis l'équipe qu'on a affrontée au bol d'or était 54. Donc, si tu veux être capable de rivaliser puis d'avoir la profondeur, parce que l'an passé, on était chanceux au niveau des blessures. On n'a pas eu de blessures majeures. Si tu veux rivaliser avec les grosses équipes, les gros bassins, Rimouski qui est encore 55 joueurs cette année, on se devait d'aller chercher des joueurs français pour augmenter notre nombre et se rapprocher du 50 joueurs habillés, là, ce qu'on a réussi à faire. Okay. Pis c'est ça, c'est des bons joueurs de football. C'est des gars qu'on fait pas venir sans les avoir vus. Moi, je les ai vus jouer, on s'est déplacés là-bas. Puis la France devient un incontournable. Écoute, Danny... Ouais. Au Saguenay-Lac-Saint-Jean, chaque année, il sort à peu près 30 joueurs juvéniles de secondaire 5. On est 3 équipes collégiales. Puis là-dessus, il y en a tout le temps 7, 8, 9, 10 qui finissent par pas venir, puis qui vont au DEP ou qui arrêtent l'école ou qui arrêtent le football. Fait que si on se fie juste sur la région, dans 3 ans, il reste une équipe ici. Là. Ben ouais, c'est sûr. Je suis bien d'accord avec toi. Parce que le phénomène, bon, le taux de natalité... également le phénomène des commotions cérébrales. On entend parler beaucoup. J'ai fait un entrevue avec Nick Malachi cet été, puis Nick me disait que tout le programme, comment le football a de la mauvaise presse comparé aux autres sports. Puis il mettait le shading, puis il mettait également le ski alpin et ainsi de suite. Puis Pascal Masson, qui est mon collaborateur des Alouettes, allait dans le même sens. Est-ce que quand tu parles aux Français, est-ce que les commotions cérébrales, est-ce que c'est la mauvaise presse? Parce qu'on ne compte pas l'histoire, le football. Si le football est en baisse au Québec, beaucoup à cause de la taux de natalité, mais beaucoup aussi le phénomène des commotions cérébrales. Lorsque tu parles à des Français, est-ce que les autres te parlent de ça? Non, bon, c'est pas quelque chose qui vient sur place parce que eux, ils ont ben, comme au collégial, on a des excellents encadrements. Eux, en France, ils ont des encadrements incroyables. Là. C'est-à-dire, quand tu vas dans les pôles France, ils ont un kinésiologue, ils ont des thérapeutes, ils ont ci, ils ont ça. Fait que l'encadrement est bon. Puis moi, j'ai joué dans le temps. Là. Puis quand j'ai joué à la fin des années 90, si t'entendais pas un coup de casque, on recommençait jusqu'à temps que les deux joueurs se frappent casse à casse. J'en ai fait des commotions cérébrales. J'ai joué jusqu'à 29 ans. Puis quand j'étais plus jeune, c'est-à-dire quand je jouais collégial, on n'était pas renseigné là-dessus, on savait pas vraiment c'est quoi. Puis c'est à 25-30 ans que j'ai pu diagnostiquer que j'en avais fait, tu sais. Mais sur le coup, moi, j'avais aucune idée. J'étais juste mêlé un peu, puis ça goûtait le fer dans ma bouche. ben, ça va passer, puis on recommence, tu sais. C'est comme ça, mais après ça, quand t'es informé, les jeunes d'aujourd'hui, c'est vraiment... sont informés, ils ont des formations obligatoires par le RSEQ en lien avec ça. Les entraîneurs ont des formations obligatoires sur le contact sécuritaire. Mais oui, c'est vrai que c'est de la mauvaise presse, mais la réticence chez les parents, puis c'est surtout pour les plus jeunes quand vient le temps de commencer. Donc, ultimement, nous, au collégial, ça nous fait mal, parce que si le jeune avait un potentiel de joueur de football, mais parce que ses parents avaient des craintes, il n'a jamais commencé, ben nous, ça finit par nous rattraper. Je te dirais que c'est plus là que ça nous fait mal, parce que les jeunes qui sont à l'intérieur de tout ça, si le jeune fait des commotions cérébrales puis ça devient répétitif, ben à ce moment-là, il arrête puis c'est juste normal. Mais les jeunes qui pratiquent le football puis qui le font de façon sécuritaire, qui vont bien, eux vont se rendre au collégial puis il n'y aura pas de problème. La natalité, comme tu as dit, fait mal aussi. Puis le fait aussi des DEP qui deviennent des métiers de plus en plus payants. Donc les jeunes voient là l'attrait. Là, tu sais, j'en ai un que j'ai échappé en génie industriel. Il venait en génie industriel, finalement il a fait mécanique industrielle et il va gagner des super bons salaires. Puis il est déjà engagé, puis il a même pas son DEP de fait. Ça joue un rôle aussi. Puis on est d'une région de travailleurs, donc les jeunes, le papa travaille dans l'entreprise, dans une shop. Mais le jeune va suivre la trace un petit peu, puis avec un DEP, va être capable de très bien gagner sa vie. Donc, c'est un paquet de facteurs qui fait que le football est en baisse. Mais oui, c'est sûr que les commotions puis la mauvaise presse fait partie de ces facteurs. Rapidement, parce que je veux sauter sur les joueurs locaux, là, parce que je t'appelle au départ, parce que tu as beaucoup de joueurs de Dolboum, Cessigny, de Saint-Félicien, et ainsi de suite. Les Français, quel rôle tu vas leur donner? La plupart, c'est tous des projets. On en a des partants. Les gars qui font l'équipe France MU19, nous on a deux joueurs de ligne à l'attaque qui étaient partants sur l'équipe France MU19 qui a gagné la médaille d'argent au championnat européen. Ces gars-là vont être partants vendredi contre Chili. Gars, il y en a un qui est à 6 pieds 4, 270 livres, il vient d'avoir 18 ans, mais il est prêt. Reste à peaufiner quelques détails, mais sinon il est vraiment excellent. On a notre porteur de ballon qui se bat pour le top des porteurs de ballon. Glody est très solide, va avoir beaucoup de répétitions cette année. Le receveur est excellent aussi, est dans le top 6 de nos receveurs. Okay. Le demi-défensif est dans les meilleurs. Lui, il a fait Team France aussi. Et dans les bons, à 6 pieds 1, 190 livres. Donc, il y a des gabarits et des qualités athlétiques incroyables. Je te dirais qu'il y a peut-être le carrière qui est numéro 3 pour l'instant, mais Félix est très solide. Puis là, il fait la transition du football à 11 à du football à 12. Fait qu'on a bon espoir qu'il continue son développement, puis ça va bien aller. Mais je te dirais, outre mon carrière, les 8 autres vont jouer régulièrement là, dès leur première année. OK. François, parle-moi des joueurs du lac. On va commencer. T'en as 10. Quel rôle que t'entends faire? C'est, d'abord, je t'appelle pour ça. D'abord, là, si je te donne une bonne couverture cette année, c'est parce que t'as beaucoup de joueurs du site. Moi, celui-là que je connais le plus, Simon Gagnon, ensuite William Saint-Pierre, Philippe Lavoie. Mais il y en a d'autres. Là. Donc, on va y aller avec ton plus important. C'est pas fait de la jalousie, là. C'est un comité. Je te dirais que les trois joueurs que tu viens de nommer là, c'est clairement trois partants avec nous. C'est des gars qui vont avoir un rôle clé dans la défensive. William Saint-Pierre est notre demi de coin du côté faible du terrain. Donc, c'est un gars qui va s'occuper à couvrir les meilleurs receveurs de l'autre côté. Tout de suite, à côté de lui, ça va être Simon Gagnon qui va jouer à Vbac du côté faible. Donc, Simon, c'est un gars très physique. On l'amène à Vbac cette année pour qu'il amène encore plus de cordes à son arc pour l'université. Donc, c'est un gars qui va être prêt à jouer rapidement, qui va jouer toute l'année aussi. T'sais, si les gars n'ont pas de bobos, les gars devraient passer l'année sur le terrain. C'est des gars qui sont à maturité, qui ont un bon bagage, qui sont prêts. Philippe a été nommé capitaine avec nous hier. Ouais. Donc, Phil, un beau rôle de leadership, travaille bien. Le gars était encore invité en janvier prochain avec l'équipe Canada. Donc, Phil est un joueur exceptionnel. Il n'y a pas grand-chose à changer sur son jeu. Nous, c'est juste de continuer à le faire progresser et de l'amener où il est capable d'aller. Mais Phil va être très bon avec nous. On a d'autres joueurs aussi qui vont être solides. On a Philippe Godreau, receveur, qui fait très bien, qui est dans le top 7, qui travaille très bien aussi, qui a une belle progression. Okay. On a Raphaël Lamontagne qu'on a amené, qui est avec nous receveur, c'est un gros bonhomme. On avait besoin sur la ligne défensive, on l'a amené sur la ligne défensive. Puis présentement, il est pas mal sur le terrain, sinon il est tout près du terrain. Et vraiment une belle explosion au niveau de la ligne défensive. On a Antoine Routier qui vient de Robertval, qui est notre safety partant. Donc sur nos demi-défensifs, 3 sur 5 partants viennent du haut du lac. Donc, ouais. Pour nous, le haut du lac est très important en défensive. Ensuite de ça, on a Jordan Fortin qui va être un porteur de ballon explosif, très fort physiquement. On peaufine certains détails au niveau de son coaching, mais sinon, ça s'en vient très bien. Puis, on a aussi d'autres joueurs qui sont... Il y a dénommé Potvin aussi. Là. Je connais très bien, je connais bien sa mère, mais je pense que c'est Jonathan qui s'appelle, c'est ça? Oui, Jonathan Potvin va très bien. Jonathan a eu une mononucléose cet été. Il a eu le feu vert des médecins seulement au début du camp d'entraînement. Donc, reprend la forme tranquillement, pas vite, mais c'est un des joueurs les plus explosifs sur notre terrain. S'il n'y avait pas eu sa mononucléose, il serait probablement dans les 5 partants. Là, il peut-être va commencer un petit peu plus en backup, mais on a des gros projets pour lui. C'est le demi-défensif le plus rapide de l'équipe, extrêmement explosif. Donc, c'est sûr que Jonathan va embarquer rapidement sur le terrain. William Gagnon, le frère le frère de Simon, un peu plus petit que Simon, c'est normal, il a seulement 17 ans, vient de commencer avec nous, mais il a vraiment une super belle progression. Il est capable de jouer safety, cornerback, donc c'est des rôles qu'on pensait pas être capable de lui donner rapidement, mais le gars est capable de le prendre. Puis fait très bien ça, fait qu'on est non, nos gars du haut du lac ont un bon rôle dans l'équipe, on en a quelques-uns en soutien, mais la plupart ont un rôle clé au terme de la défensive ou de l'offensive. OK. Ben François, bonne saison, c'est pas mal le fun. Je vais t'appeler assez régulièrement pour faire étant donné qu'on a beaucoup de joueurs du haut du lac qui font partie d'équipe, c'est quand même mon territoire. Fait que puis bonne saison pour s'en reparler durant l'année. Excellent, ça va toujours me faire plaisir de te parler de mes 10 gars du haut du lac. Donc, François Laberge, l'instructeur des Gaillards de Jonquière.